Comment direz-vous « As-tu un professeur ?» sans traduire le « un » ?« Ni yo lao shi ma ?»« As-tu un professeur ?»« Ni yo lao shi ma ?» Alors jusqu'à présent, à chaque fois que nous avons voulu formuler la négation de quelque chose en chinois, nous avons utilisé un mot. Alors quel mot avons-nous utilisé ? Pu. Mais maintenant, avec le verbe avoir, yo, nous allons employer un autre mot. Mei. Et les deux donnent mei yo pour dire ne pas avoir. Mei, double levé, yo, verrouche de la victoire. Mei yo. Oh, ça ressemble à notre mois de mai. C'est un peu différent. Ce qu'on dit exactement, c'est « mei »,« mei », »,« double levé ». Et là, il s'agit de « ne pas avoir »,« mei yao ». Alors, pour dire « je n'ai pas », vous direz « 我没有». Ou bien, vous pourriez tout simplement dire, sans le « je »,« mei yao ». Mei yao. Oui, c'est ça. Donc c'est une expression que vous entendrez à tout bout de champ en chinois pour dire ne pas avoir. Et pourquoi les Chinois font-ils la négation comme ça? Eh bien, vous savez, quand on utilise le bu pour éloigner les fantômes, hein, les fantômes qui parlent chinois. Mais parfois, il y a tellement de fantômes qu'il faut employer les grands moyens. Une solution consiste à les poursuivre armés de yo-yo, en criant « Gare à mes yo-yo !»« Mei yo !» Et maintenant, comment direz-vous « As-tu un livre ?» sans traduire « un ?»« Ni yo shu ma » »« As-tu un livre ?»« Ni yo shu ma » »« Non, je n'en ai pas » ou bien « non » Mais, yo. Comment dites-vous avoir? Yo. Yo. Yo. Comment dites-vous ne pas avoir? Mais, yo. Il faut dire mais, yo. Mais, yo. C'est toujours une sensation agréable de descendre avec le V de la victoire. Hein, au lieu de juste descendre un peu, on peut descendre vraiment bas avant de commencer à remonter. C'est un peu comme dans les montagnes russes, hein. On fait une longue descente suivie d'une remontée. Yo. Comme on suit le dessin avec les deux doigts. Exactement, vous suivez le dessin de vos doigts qui forment le V rouge de la victoire et vous faites le geste du milieu de l'index jusqu'au creux, puis vous remontez. Yo. Et maintenant, comment direz-vous, le professeur a-t-il une télévision ? En précisant que c'est un homme et sans traduire une. Non. Lao shi. Yu. Dian shi ma. Comment dites-vous homme? Nan. C'est ça, nan. Le professeur a-t-il une télévision? Nan lao shi yu. En réponse à la question « Le professeur a-t-il une télévision ?», nous allons répondre « Non » ou « Il n'en a pas », qui se dit « Mei yo ». Non, il n'en a pas. Mei yo. Maintenant, traduisez la question « Ta petite amie a-t-elle mon livre ?» Ni de nu peng yo wa de shu ma. Ta petite amie a-t-elle mon livre? Ni de nu peng yo wa de shu ma. Alors répondez non. ne pas avoir. Mais, yo. Pour s'entraîner, dites-moi de nouveau, avoir. Yo. Oui, yo. Comment dites-vous ne pas avoir? Mais, yo. Mais, yo.